La tragédie de 1940. À Vichy, les parlementaires sabordent la République. We shall fight in France. We shall never surrender. Cette guerre est une guerre mondiale. Je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. L'ordre est donné à la délégation française de signer la convention d'armistice. L'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat. La marche de l'histoire. Jean Lebrun. Sur France Inter. Début juillet 1940, les parlementaires, qui souvent ne s'étaient pas vus à cause de la guerre et de la défaite depuis des semaines, voire des mois, se retrouvent face à face. Sont-ils heureux de se retrouver dans ces circonstances? Non, mais nous, nous sommes contents d'avoir Olivier Vievorka in vivo, face à face. Bonjour. Bonjour. Olivier Vievorka. Bien connu pour nombre de travaux sur la résistance, la Deuxième Guerre mondiale, et puis pour un livre que Le Seuil a réédité en 2015 sur les députés et les sénateurs entre 1940 et 1945, à partir du 10 juillet 40, on va voir dans quelles conditions, ils sont orphelins de la République, c'est le titre de votre livre. On a laissé le gouvernement à Bordeaux, il s'est replié ensuite, avec le vieux maréchal à sept têtes, dans le massif central, le massif hercynien de la France. Oui, et très vite, l'idée est qu'il faut trouver une solution politique, au fond, à cette débâcle, et les chambres vont être convoquées le 2 juillet 1940 à Vichy. À Vichy, tout simplement parce que vous avez des infrastructures hôtelières qui sont vides et un standard téléphonique ultra-moderne. Tout cela étant provisoire, tout cela étant vécu sous le sceau du provisoire. Alors, de nouvelles institutions sont nécessaires, oui, parce que ça serait une tradition française, quand il y a une grande défaite, 1814-1870, on change de régime? Alors, c'est une tradition et ce n'est pas une tradition. Effectivement, après 1814, après 1870, il y a eu un changement de régime, c'est vrai. Mais en même temps, lorsque l'on voit la manière dont la défaite de 1870 a été gérée, on s'aperçoit que si l'Empire a été supprimé et la République proclamée le 4 septembre 1870, la forme constitutionnelle a mis longtemps à s'imposer. Et de fait, Thiers, chef du gouvernement provisoire de la République, a mis entre parenthèses la question des institutions, voulant d'abord régler la question de la guerre. Donc on a eu le traité de Francfort, et ensuite, mais en 1875 seulement, le vote des lois constitutionnelles. Beaucoup de parlementaires pensent, parce qu'ils résonnent dans les cadres qui sont les leurs, qu'au fond, Pétain va être un nouveau monsieur Thiers. Favoriser une forme de concorde nationale, régler le problème avec les Allemands, parce que beaucoup d'individus pensent que, au fond, après cette défaite, il va y avoir très vite un traité de paix, et ensuite aborder la Constitution. Il n'en sera bien entendu pas ainsi. Oui, la guerre continue, et d'ailleurs un signe patent est donné le 3 juillet, au moment où les parlementaires commencent à arriver à Vichy, les Britanniques. Churchill est devenu presque l'adversaire désigné par Pétain dans ses messages dorénavant, craignent que la flotte française tombe entre les mains des Allemands, et ils vont poser un ultimatum aux bateaux qui sont dans la base de Merselkébir en Afrique du Nord, et finalement, les couler. Oui, tout à fait. En fait, vous avez des requêtes qui sont différentes. Soit les bâtiments seront désarmés, soit ils gagneront des ports neutres. Donc, il y a plusieurs scénarios possibles. Mais au fond, l'amiral Jean Soule, qui ne croit peut-être pas au fond à la détermination britannique, refuse. Et les bâtiments britanniques ouvrent le feu, alors que d'autres bâtiments qui mouillaient en rade d'Alexandrie vont trouver un modus vivendi avec les Britanniques. Et il y a une séance du Conseil des ministres à Vichy assez dramatique sous la présidence de Pétain, la vice-présidence de Laval. Certains membres du gouvernement proposent carrément de déclarer la guerre à l'Angleterre. Le président de la République, qui est toujours là en poste, dit « mais vous êtes fou ». Albert Lebrun, avec sa femme Marguerite, s'est installé au pavillon Sévigné, à l'issue d'une longue caravane qui les a menés de Roya à Vichy. 10 cars et voitures pour l'Élysée. C'est un des hôtels où résident les curistes. Il y a toujours d'ailleurs des curistes cet été-là à Vichy. L'eau coule toujours de ses nombreuses sources pour la même clientèle de malades. Mais Vichy est également autre chose. À la station thermale, c'est superposé la capitale administrative. Le pouvoir et l'administration vivent ici en meublé. C'est là, au 124, que le maréchal travaille. Toute la vie de l'hôtel s'agite autour de cette présence respectée, des sous-sols où le chef prépare les repas du maréchal, au garage où les chauffeurs entretiennent les voitures et où la garde motocycliste est toujours prête à un départ. Actualité cinématographique de propagande de l'époque, donc le président Lebrun au pavillon Sévigné, le maréchal Pétain à l'hôtel du Parc, les séances pour les parlementaires vont se tenir au petit et au grand casino. Ils arrivent de leur département, souvent fourbus. Ils ont des chambres, en principe, qui leur sont réservées par les questures dans les différents hôtels. Au début, certains doivent coucher dans leur voiture. Et il y a plusieurs solutions qui se présentent. Il n'y a pas nécessairement l'abdication de la République. On pourrait, Olivier Wieworka, je ne sais pas moi... Imaginez de pousser vers la sortie ce pauvre président Lebrun et faire élire par les parlementaires qui sont là Pétain comme président de la République. Tout à fait, et ce scénario est d'ailleurs évoqué. Mais de ce point de vue, le scénario qui va être retenu correspond à une volonté politique. Et c'est bien cela qu'il faut rappeler en montrant que les parlementaires n'en ont peut-être pas conscience, mais qu'ils en ont aussi conscience. Je m'explique. On présente très souvent, au fond, le vote des pleins pouvoirs au maréchal Pétain comme un vote de circonstance, avec l'idée que, au fond, eh ben, le vieux maréchal faisait de sa personne le don à la France, et donc que, au fond, il se dévouait et que, en vieillard, vainqueur de Verdun, il acceptait de se charger d'une lourde responsabilité, mais qui serait une lourde responsabilité temporaire. Or, le projet politique du maréchal Pétain, eh bien, un projet qui est beaucoup plus puissant puisqu'il vise à refonder la France, à créer un ordre nouveau. Ce qui me paraît important, c'est qu'une partie des parlementaires, de gauche comme de droite, est d'accord. C'est-à-dire que le vote du 10 juillet 1940 est un vote d'adhésion. En d'autres termes, que les parlementaires, on y reviendra sans doute, sont informés de la réalité, de ce qui les attend, et qu'ils ne sont pas mécontents d'en finir avec la République. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de parlementaires qui penchent, par porosité entre la droite conservatrice et l'extrême droite, par exemple, pour un régime autoritaire ? Il y a incontestablement une volonté autoritaire en France, une volonté autoritaire qui vient aussi des dysfonctionnements de la Troisième République. Une Troisième République marquée par l'instabilité parlementaire, une Troisième République qui est marquée par l'impuissance, une Troisième République qui a essayé de préparer la guerre, mais qui l'a mal préparée et qui l'a perdue. Donc vous avez une condamnation de la faiblesse de la République, et une condamnation d'autant plus forte que les régimes totalitaires, eux, apparaissent surpuissants, et notamment, bien entendu, l'Allemagne nazie. Donc vous avez cette volonté d'autorité, et on pourrait dire qu'avant la Seconde Guerre mondiale, il y a une forme de prévichisme qui existe avant même que le maréchal Pétain n'obtienne les pleins pouvoirs. Jacques Chardonne, l'écrivain tant goûté par François Mitterrand, chronique privée de l'an 40. Cet été, on entend par le mot autorité la meilleure forme de gouvernement, des mesures simples et honnêtes prises dans l'intérêt de la communauté entière. Et non pas, vous savez, comme les mesures du Front Populaire, des mesures qui dressent les uns contre les autres. La transformation, je continue de le citer, de l'Europe est inévitable et elle doit venir du peuple qui, par sa position centrale et ses intuitions du réel, sa vitalité ascendante, peut imposer une règle à l'Europe. Enfin bref, il faudrait peut-être un peu imiter les institutions. Oui, tout à fait. De l'Italie vainqueur et de l'Allemagne surtout. Alors surtout, paradoxalement, de l'Italie. Hein. Ah. Dans l'entre-deux-guerres, c'est vers Mussolini, vers Salazar, le dictateur portugais, que les regards se tournent, plus que vers l'Allemagne. Mais l'idée, au fond, que le Parlement fonctionne mal, que les députés sont des pourris, que la Troisième République a fait son temps, eh bien, c'est une idée qui marque, à droite, vous l'avez dit, mais également à gauche. Il y a une volonté, en quelque sorte, de dépasser la Troisième République, beaucoup plus qu'un désir de la sauver. Mais Emmanuel Berle, qu'on a vu commençait à écrire les premiers messages du maréchal Pétain, et là, Vichy, il est sur des fauteuils en osier, ça déborde de l'hôtel de la paix sur les parcs de Vichy, où s'agitaient les uns et les autres. Et il remarque qu'ils avaient du talent, ces parlementaires, qui n'ont pas nécessairement démérité, que, par exemple, pendant la guerre, ils ont fait un travail critique en commission d'enquête, dirait-on, aujourd'hui, qui était appréciable. Oui, pendant la Première Guerre mondiale, le régime parlementaire. Et pendant la, oui, pendant la Seconde Guerre mondiale aussi, au début, mais en même temps, on voit bien qu'il n'y a quand même pas une très grande fermeté, une très grande résolution au sommet de l'État. On voit bien que dans le gouvernement, vous avez à la fois des bellicistes et des pacifistes. Et ce qui explique que Daladier ait du mal à afficher la couleur. Et Paul Reynaud n'y arrivera pas plus. Alors, parmi les défaitistes, Pierre Laval, qui doit tout à la République, il le dit lui-même, sénateur du Puy-de-Dôme, maire d'Aubervilliers, mais qui a été mis en lisière depuis l'époque du Front populaire et qui va être à la manœuvre, parce que vice-président du conseil du maréchal Pétain, c'est lui qui insiste auprès du maréchal pour cette mise en scène parlementaire, pour ce harakiri que les parlementaires vont exercer, se sacrifiant, s'abordant la République. Philippe Serre était député de gauche en Meurthe-et-Moselle à l'époque, et lui aussi avait rejoint Vichy. Il témoigne au micro de Patrice Gélinet. Laval reste tout de même un homme mystérieux. Je crois que c'était un homme qui était bourré d'une ambition immodérée et qu'il s'est appelé à jouer un rôle très différent et qu'il a eu des déclarations qui ont beaucoup de nuit. Mais en un mot, il y avait autour de Laval des personnages beaucoup plus dangereux. L'extrême droite, les gens qui voulaient que la France devienne hitlérienne, enfin, copie sur le régime d'Allemagne, que l'Allemagne, en quelque sorte, devienne la tutrice de la France, et dans une certaine mesure, Laval a empêché leur promotion, n'est-ce pas ? De deux choses l'une, ou bien vous acceptez ce que nous vous demandons, et vous vous alignez sur la constitution allemande ou italienne, ou bien Hitler vous l'imposera. Alors, est-ce que Philippe Serre est un peu bienveillant dans ce portrait énigmatique qu'il fait de Laval, ou bien cette citation que d'autres élus de gauche croient avoir entendue dans la bouche de Laval serait exacte ? Hitler vous imposera ce que vous refusez si vous ne prenez pas des mesures en faveur de l'autoritarisme, Olivier Vivorca. Je pense que là, c'est le grand fantasme. Hein. L'idée que la France va être soumise à un Gauleiter, va être nazifiée. Or, on voit bien que Hitler n'a pas du tout envie d'exporter son modèle. Parce que c'est un modèle qui est si supérieur, tellement supérieur qu'il ne vaut que pour l'Allemagne. Donc Hitler se méfie des imitations. Il n'y a pas d'exemple dans l'Europe conquise de véritable nazification. Il y a bien entendu des mesures abjectes de persécution antisémite, d'exploitation de la main-d'œuvre, etc., etc. Mais l'idée, si vous voulez, de cloner en quelque sorte le régime nazi n'existe pas, à l'exception peut-être de la Norvège. Donc cette idée que Laval a empêché la nazification de la France relève, à mon avis, du fantasme le plus pur. Alors Laval, Emmanuel Berle le décrit, il fait comme aux quatre chemins d'Aubervilliers ou comme sur un marché du Puy-de-Dôme, il fait les 100 pas, il agrippe les uns et les autres par le bouton de la veste, et puis ses émissaires, ses amis font de même avec leurs interlocuteurs. Il y a une campagne de lobbying efficace dans les parcs de Vichy. Et les deux autres solutions que vous évoquiez, la démission du président de la République et l'élection de Pétain à sa place, ou bien une dictature momentanée et encadrée à la romaine, et ben ça échoue. Du fait de Laval ou du fait de Lebrun aussi, qui ne veut jamais prendre la moindre initiative et non pas démissionner. Alors, du fait bien entendu de Lebrun, parce que le grand problème que De Gaulle va traiter à sa manière, c'est celui de du respect de la Constitution, des lois constitutionnelles. Et donc, Lebrun, Jules Jeannet, président du Sénat, Édouard Herriot, président de la Chambre des députés, sont ultra-légalistes. Ce que De Gaulle comprend, c'est qu'il faut sortir de cette légalité, qu'il faut la transgresser. Donc Lebrun, lui, il ne veut pas démissionner. Enfin, ce n'est pas dans son agenda, ce n'est pas à l'ordre du jour. Quant aux autres projets, ils sont dangereux parce que il faut bien se rappeler que Pétain a un agenda secret. Son agenda secret, c'est de lancer la Révolution nationale. Ce n'est pas de régler le problème de la paix avec l'Allemagne, contrairement à ce que Thiers avait fait en 1870-1873. Donc lui, ce qu'il veut, c'est avoir les coudées franches, avec quand même, au départ, une très forte légitimation. Et cette légitimation, c'est le Parlement qui peut lui apporter. Alors, des jours et des jours se passent avant que le 9 juillet, la Chambre des députés ne se réunisse en tant que telle, que le Sénat ne se réunisse en tant que telle. Une scène comme ça, un croquis, c'est toujours Philippe Serre. Nous sommes non loin des parcs, peut-être à l'hôtel de la paix où réside Emmanuel Berle. Le climat. Léon Blum est arrivé avec sa femme. Il déjeunait avec nous dans un des grands hôtels de Vichy. Philippe Serre. Et je me rappelle le dernier déjeuner où, rentrant dans la salle qui était comble, immédiatement, Tixier Vilancourt s'est levé en disant « À mort les Juifs ». Alors, je raconte cette histoire parce qu'elle est tout de même assez révélatrice. À ce moment-là, cette salle qui était composée indiscutablement de gens qui étaient pétanistes à 100% ont été tout de même terriblement gênés. Et cette phrase n'a pas été accueillie par la tradition, mais par un silence concerné. Alors, Texier Vignancourt démentira cette phrase. Il est député d'Orthez. Plus tard, il sera candidat d'extrême droite à la présidentielle avec Jean-Marie Le Pen comme directeur de campagne en 1965. Mais enfin, le climat qui est là autour de Léon Blum en dit long. C'est étouffant à tout point de vue, parce qu'il fait chaud à Vichy, d'ailleurs, ces premiers jours de juillet 40. Alors, il fait chaud, les parlementaires sont quand même un peu perdus, beaucoup sont paniqués, il y a effectivement, sans doute, des pressions, des insultes antisémites à l'égard de Léon Blum, hein. L'affaire Tixier-Vignancourt n'est pas le seul exemple, mais je crois qu'il ne faut pas nécessairement majorer cette atmosphère de panique. Les députés et les sénateurs se sont exprimés, somme toute, relativement librement. On prétend que une division était prête à marcher sur Vichy si les parlementaires avaient mal voté. J'ai eu la joie de recevoir la lettre d'un soldat qui appartenait à cette division et qui m'a dit qu'au contraire, on leur avait donné quartier libre. Donc, il faut, je crois, bien insister sur le fait que toutes les personnes qui insistent sur ce climat de panique ou autre, sont des gens de gauche et souvent des opposants, comme par exemple Léon Blum. Jamais les parlementaires de droite qui ont voté pour le maréchal Pétain n'invoquent une pression qui aurait été exercée à leur endroit. 9 juillet, donc réunion de la Chambre à part, au Petit Casino, Édouard Herriot, c'est le président de la Chambre. Nous aurons à rendre plus austère une république que nous avons faite trop facile, mais dont les principes gardent toutes leurs vertus, dit l'élu radical de Lyon. Réunion du Sénat. À la tête du Sénat, Jules Jeanneney. C'est une grande dynastie de l'aristocratie politique française que les Jeanneney. Jules Jeanneney a un fils qui fut comme lui ministre du général de Gaulle, Jean-Marcel Jeanneney, qui tente de justifier l'attitude que vous allez qualifier d'attentiste ou de trop juridique de Jules Jeanneney, le père, le président du Sénat, le père de Jean-Marcel. Personne n'était opposé à ce que Pétain reçoive des pleins pouvoirs. La solution Pétain était probablement la seule parce que le pays était en total désarroi et on ne savait à qui se raccrocher. Puis mon père n'avait pas un mauvais souvenir de Pétain pendant la guerre de 14-18 où il l'avait pratiqué. Il l'estimait, dites-vous. Il l'estimait, oui, il l'estimait. Pourtant, il s'apprêtait à voter contre. C'est Édouard Herriot, l'autre président de Chambre, qui était président de l'Assemblée nationale, qui, au fond, l'en dissuade. Oui. Herriot, qui aurait pu voter non, comme votre père, oui, président, lui, du Sénat, s'est abstenu et c'est finalement ce qu'a fait votre père. Oui, parce que, de sa part, voter non, c'était une provocation. Parce qu'il présidait l'Assemblée, oui, la tradition est que le président ne vote pas. Alors, le président de la République aurait pu démissionner, il ne l'a pas fait. Le président du Sénat aurait pu poser des obstacles qu'il n'a pas, selon vous, posés. Non, tout simplement, il faut bien voir un certain nombre de choses. Le premier élément, c'est qu'il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de véritable alternative. On ne peut pas imaginer que Blum, par exemple, aurait pu présider aux destinées du pays. Donc, effectivement, Pétain semble s'imposer. Mais ce qu'il y a de dramatique, si vous voulez, c'est que l'arrivée au pouvoir du maréchal Pétain n'est entourée d'aucune garantie, d'aucune garantie. Et on voit bien d'ailleurs que le maréchal Pétain va avoir les coudées franches, puisque dès le lendemain, il va poser trois actes constitutionnels qui vont définir le régime de Vichy. Oui, mais je sais que la séance du 10 juillet a été rapide, mais il faut quand même s'y arrêter un peu. Michel Wieworka, Olivier Wieworka, avant de parler de la journée du 11. Bien sûr. Donc, nous sommes au Grand Casino. Les députés et les sénateurs siègent ensemble. Aujourd'hui, on dirait, oui, congrès. Oui. À l'époque, on disait Assemblée nationale. Il y a quand même des absents, des parlementaires, oui, qui ne sont pas venus. Oui, vous avez des absents, vous avez à peu près 15% d'absents. Alors, vous avez des députés et des sénateurs, pardonnez-moi, qui sont absents parce qu'ils combattent. Hein. Vous avez eu 128 parlementaires qui ont été sous les drapeaux. Tous ne sont pas absents certains réussissent à venir à Vichy, mais certains le sont. Prisonniers, morts. Voilà, donc certains sont prisonniers. Vous avez six morts, dont Léo Lagrange. Vous avez ensuite une partie des parlementaires communistes qui ont été déchus de leur mandat. Après le pacte germano-soviétique. Ou leur acceptation du pacte, oui. Voilà, et l'invasion de la Pologne. Donc ça veut dire 62 parlementaires communistes déchus, mais 14 ont été maintenus. Et puis vous avez des individus qui sont trop vieux, des individus qui ont du mal à rejoindre Vichy, parce que c'est une énorme anarchie, un énorme chaos sur les routes. On est encore dans le prolongement de l'exode. Il est 14h50, je crois que la réunion a commencé à 14h ou 14h30, dans cette superbe salle Art Nouveau du casino de Vichy, où il s'agit de voter autour de cette motion proposée à marche forcée par Pierre Laval. L'Assemblée nationale, on dirait le Congrès aujourd'hui, donc les parlementaires, députés et sénateurs, donnent tout pouvoir au gouvernement de la République, plus pour longtemps, sous la signature et l'autorité du maréchal Pétain, à l'effet de promulguer par un ou plusieurs décrets la nouvelle constitution de l'État français. On est passé de République à État français. Cette constitution devra garantir les droits du travail, de la famille et de la patrie. On est passé de liberté, égalité, fraternité à travail, famille, patrie. Cette constitution sera ratifiée par la nation, par plébiscite, et appliquée par les assemblées qu'elle aura créée, qui ne seront plus nécessairement la Chambre des députés et le Sénat. Les sénateurs comptent s'en tirer à meilleur compte que les députés. Alors quand Vincent Badi essaye de faire passer une motion, comment dire, de retardement, disant oui au plein pouvoir, mais il faut maintenir la République, il est empêché de parler. Oui, oui, on empêche de parler. Il n'y a absolument aucun débat démocratique le 10 juillet 1940. Et le vote, toujours le témoignage de Serre, Philippe Serre. Le vote, il intervient avant 18h. La séance, elle a duré 3 heures, à peine 4 heures. Si je suis content de quelque chose, c'est d'avoir émis un vote difficile. Mais ce vote difficile, pas une seconde, mes amis et moi, nous n'avons hésité à prendre cette position. Par conséquent, nous étions décidés avant tout de sauvegarder le principe auquel nous avons toujours cru, car spiritualistes, nous croyons un certain nombre de valeurs morales qui dominent les domaines politiques du pays. Par conséquent, notre décision n'a pas été objet de contestation. Nous savions bien comment nous allions voter. Le moment du vote, est-ce que vous en souvenez également, Philippe Serre, et ce qui s'est passé juste à ce moment-là? Il ne s'est rien passé, les personnes n'avaient été écoutées. Laval avait bien préparé la chose, avait bien préparé son scénario. Pétain n'avait pas paru, mais ça s'est passé sans histoire. Non, cette séance s'est terminée dans le calme. Ils sont 570 à voter oui, 80 dont Philippe Serre a voté non. Laval va voir à l'hôtel du Parc le maréchal et lui dit « La foule veut vous faire une ovation. Écoutez-la, monsieur le maréchal, allez au balcon. » Et l'autre, dont Philippe Serre a dit « Le maréchal n'est pas paru. » Oh, vous savez, la modestie jusqu'ici, ça m'a pas si mal réussi, et il ne se produit pas sur le balcon. Oui, et cela montre quand même le caractère très dissimulateur de Pétain, ce qui a été très bien montré par Bénédicte Vergès-Chaignon dans ses biographies. Pétain aime le pouvoir, et donc il y a ici effectivement cette allure modeste, ce visage impassible, marmoréen, dit-on, ce regard célèbre. Mais il y a aussi quelqu'un qui est assoiffé de pouvoir et qui est éminemment dissimulateur. Ben oui, parce que plus on est vieux, plus on est ambitieux. C'est une leçon de la sagesse populaire qu'il ne faut pas oublier. Le 11 juillet, les actes constitutionnels paraissent, en même temps que le président Lebrun démissionné par Vizy. Le maréchal Pétain lui rend visite. Mais il n'y a pas de passation de pouvoir. Je ne suis pas votre successeur parce que le régime a changé. Oui, il a changé avec les actes constitutionnels du 11 juillet. La République est nulle et non avenue. La Troisième République, fondée en 1870, disparaît le 10 juillet 1940. Orphelin de la République, c'est un livre que vous avez publié, Olivier Vivorca, au Seuil, qui a été réédité en 2015 et qui est fondé sur les caisses d'archives, les 57 caisses d'archives qu'on a retrouvées dans les caves du Conseil d'État et qui témoignent du travail d'un jury d'honneur qui a été constitué après la Libération et qui consistait à faire le tri entre les 570 qui avaient voté les pleins pouvoirs. Certains pouvaient-ils redevenir éligibles, pouvaient-ils être relevés malgré leur vote? Oui, donc vous avez eu un processus de relèvement. L'idée était que lorsque l'on avait voté les pleins pouvoirs ou que l'on avait accepté de hautes fonctions du régime de Vichy, on était a priori inéligible. Ce qui voulait dire qu'on n'avait pas le droit de se présenter aux élections, mais cela voulait dire aussi qu'on pouvait être poursuivi pour d'autres raisons. Hein. Et donc, vous avez eu un processus qui a d'abord été initié par les préfets, et ensuite par un jury d'honneur, pour examiner les titres de résistance qui permettraient à des parlementaires ayant failli de se présenter aux élections. Eh bien, aux surprises, parmi les 570, il y en avait qui avaient voté par adhésion aux idées de la future Révolution nationale. Certains qui étaient devenus collaborateurs, d'autres qui s'étaient accommodés puis étaient entrés en dissidence. Et il est même arrivé que parmi les 570, il y en ait qui aient changé d'avis tout de suite et qui aient rejoint Londres. Jean Mariel a organisé longtemps à Vichy la cérémonie pour commémorer l'attitude des 80, chaque 10 juillet. Et il parle de l'ancien porte-parole de la France libre qui connaissait bien la ville de Cure pour y venir chaque été et y donner des conférences. Lorsque Maurice Schumann venait à Vichy faire ses conférences, nous avions causé de ça. Et Maurice Schumann m'a dit, le premier parlementaire qu'a rejoint à Londres, c'était au mois d'octobre, il s'appelait Antier. C'est moi qui l'ai reçu, il avait voté pour Pétain. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé à Vichy? Il m'a répondu tout simplement, le 10 juillet je me suis trompé, et le 11 juillet, puisqu'il y a eu un coup d'État, j'ai été trompé. Olivier Vieborca, Antier qui vient dès le mois de septembre après avoir voté les pleins pouvoirs. Oui, et ce n'est pas un exemple isolé. C'est-à-dire que, en fait, si Pétain soude un consensus très fort en 1940, c'est parce que beaucoup de parlementaires projettent sur Pétain leurs rêves. Les uns veulent une réforme de la Constitution, les autres la suppression de la lutte des classes, les autres le rétablissement des droits de l'Église dans la cité. Et au fur et à mesure que le maréchal Pétain avance, eh bien, il se dévoile. Et donc, vous allez avoir des ruptures successives pour des motifs différents, les uns trouvant que c'est un dictateur, les autres que c'est un collaborateur. Et donc, au fil du temps, la base assez importante dont il disposait en juillet 1940 va s'éroder. Et l'exemple de Paul Antier n'est pas isolé. Vous avez d'autres membres, d'autres parlementaires qui étaient très à droite. Je pense par exemple à Lachalle, eh bien qui vont rompre, François Valentin, pardon, qui vont rompre avec Philippe Pétain. Et puis parmi les 80, tous ne sont pas devenus d'ardents résistants. L'histoire est complexe. Cependant, on va saluer la mémoire de tous les députés qui ont été emprisonnés, déportés, et certains exécutés. Georges Mandel et Jean Zay n'étaient pas à Vichy le 10 juillet, ils ont été exécutés. François Camel, tiens, c'est un nom que je ne connaissais pas, moi. Élu de l'Ariège. Oui, qui a été assassiné de retour d'une réunion. Vous avez eu quand même. Il est allé sur une foire de l'Ariège, oui, faire de la propagande, et on a retrouvé son vélo, son pardessus soigneusement plié à côté du vélo. Oui. On a toujours l'impression, si vous voulez, que les parlementaires sont protégés, et vous avez quand même eu 50 parlementaires déportés, et dont 27 pour résistance, et certains sont morts en camp. Vous avez cité un certain nombre de noms. On pourrait rappeler aussi Léonel de Moustier, où Isidore Thivrier est très intéressant, parce que Isidore Thivrier avait été nommé au Conseil national avant de faire de la résistance. De la plus vieille mairie socialiste de France, j'ai nommé Commentry. Merci à vous, Olivier Vieborca. Vos livres chez Perrin et vos orphelins de la République, c'est aux éditions du Seuil. L'émission a été préparée par Franck Olivard, Frédéric Martin et Linka Negulesco. Audrey Ripouille, Juliette Gou, ce sont nos réalisatrices à distance. Hélène Kouyoumjian, notre réalisatrice présentielle, comme on dit maintenant d'un fort vilain mot. Et Alexandre Chenet à la technique.